pleurs. La disgrâce. Écoutez-les soupirer devant l'éternité qui passe. Le vent doit-il souffler pour qu'on pense aux malheureux? Et pour que tu puisses m'aimer, dois-je me joindre à eux? Mais ce n'est que le vent qui souffle. Exhale mon sentiment, ma tristesse. Les chiens abandonnés hurlent à la lune noire et courent sans se reposer à travers ma mémoire. Maudit le jour de ton départ où j'ai senti la fin de tout. Le ciel criait comme ce soir et à jamais m'a rendu fou. Mais ce n'est que le vent qui souffle. Exhale mon sentiment, ma tristesse. Écoute les derniers, leur cri exempt de foi.